إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. On continue donc ce qu'on a commencé tout à l'heure comme exposé concis de la croyance des pieux prédécesseurs, As-Salaf al-Salih. On a vu dans l'assise de tout à l'heure l'importance pour le musulman d'apprendre et de connaître la croyance authentique telle qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélée à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et certes, il fait partie des choses par lesquelles se distinguent les gens de la sunna et du groupe Ahlu Sunnati wal Jama'a des autres groupes mentionnés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith que l'on a vu précédemment, qu'ils sont sur la droiture en ce qui concerne la croyance et qui lui accordent une grande importance. En effet, tu ne trouveras pas un endroit où les gens de la sunna sont présents, où les gens de la sunna appellent à Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'ils donnent une grande importance à l'enseignement de la croyance, al-aqida sahiha, et notamment la science du tawhid. Ils donnent donc une grande importance à cela, car ils ont conscience que les erreurs dans la aqida, les erreurs dans la croyance, mènent à l'égarement et que leur danger est immense. En effet, le fait d'avoir une erreur dans sa croyance, d'avoir une croyance erronée, d'avoir une croyance infondée, n'est pas comme une erreur dans un autre sujet de la religion. Car comme on a vu, l'ensemble des œuvres sont basées sur le fait d'avoir une croyance saine et authentique. Et celui qui fait une erreur dans la croyance, il est à craindre pour lui une sévère déviation du droit chemin. Et au pire des cas, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver, qu'il tombe dans la mécréance et sorte de l'islam. Quant à celui qui fait une erreur dans un autre sujet, ceci est moins grave que l'erreur dans la croyance. Même si l'erreur dans la religion tout entière, elle est interdite et il incombe aux musulmans de s'en écarter. Cependant, il n'est pas permis à la personne de négliger les questions liées à la croyance. C'est la première chose qu'il doit commencer à réformer. Et également, il corrige ses erreurs dans tous les autres domaines de la religion. Il ne lui est pas permis de rester et de persister sur une erreur en ce qui concerne les questions religieuses. Il ne lui est pas permis également de suivre aveuglément une personne qui est dans l'erreur et de dire « je suis simplement un tel » puis il reste sur cette erreur. Que cette erreur soit liée à la croyance ou non, bien que l'erreur dans la croyance soit beaucoup plus grave. En effet, comme on l'a dit, elle peut conduire la personne à sortir de l'islam, wal'iyadu billah. En effet, parmi les erreurs dans la croyance, il y a les erreurs liées au tawhid et les erreurs liées au polythéisme. Donc si une personne ne distingue pas entre le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le polythéisme, il risque alors de tomber dans un acte, une parole ou une croyance qui fait partie des actes, des paroles et des croyances des polythéistes, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. En effet, le polythéisme est le plus grave des péchés. Il est celui qui conduit la personne en enfer pour y demeurer éternellement, wal'iyadu billah. Il est celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas si la personne meurt sans s'en repentir. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Donc on voit dans ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a distingué les questions liées au shirk, les questions liées à la croyance et les autres questions. En effet, celui qui meurt alors qu'il accomplissait des péchés desquels il ne s'est pas repenti, certes il est en danger, mais il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut, il le pardonnera de par son tawhid, et si Allah veut, il le châtiera à hauteur de ses péchés, puis il le fera entrer au paradis bi'idhnillah du fait qu'il était monothéiste et qu'il n'a pas donné d'associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que celui qui meurt sur le shirk, alors celui-ci il est voué à l'enfer pour y demeurer éternellement, ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. Donc on a vu dans la première partie du cours, avant la prière, que la croyance des gens de la sunna, elle repose notamment sur six piliers, qui sont les six piliers de la foi. Et on a vu ce qui était lié à la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et les catégories de tawhid. Quant aux autres piliers, ce sont tout d'abord le fait de croire aux anges. Il est obligatoire pour le musulman de croire en l'existence des anges, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé qu'il a des anges. Il nous a informé également qu'il y a un ange qui est chargé de la révélation, qui est Jibril, alayhi salam, un ange qui est chargé de souffler dans la trompe, qui est Israfil, alayhi salam, et ainsi de suite. Il incombe aux musulmans de croire en cela sans avoir aucun doute à son sujet, car cela fait partie de ce dont Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que son messager, sallallahu alayhi wa sallam, nous a informé. Et comme vous allez le voir, ou plutôt comme vous le constatez, la plupart des choses liées à ces piliers de la foi, ils sont liés à des choses de l'invisible, ou plutôt des choses de l'imperceptible, c'est-à-dire ilm al-ghayb, des choses qu'on ne peut pas percevoir par nos sens, qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas entendre, qu'on ne peut pas toucher, comme la croyance aux anges. Ils sont là, ils sont présents parmi nous, inshallah, mais on ne les voit pas. Eux nous voient, mais on ne peut pas les voir. Et malgré cela, nous y croyons, car cela fait partie des piliers de la foi, et cela fait partie des caractéristiques par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a décrit ses serviteurs croyants, et notamment les vertueux et les pieux parmi eux. Comme il a dit subhanahu wa ta'ala dans son noble livre Alif Lam Mim, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. Alif Lam Mim, voici le livre sur lequel il n'y a aucun doute. C'est une guidée pour les pieux. Al-Muttaqin. Et Allah subhanahu wa ta'ala, la première caractéristique par laquelle il a décrit ces muttaqin, c'est quoi? Al-Ladina yu'minuna bil-ghayb. Ceux qui croient en l'invisible, en l'imperceptible. C'est-à-dire, ils croient en Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'ils ne le voient pas. Ils croient aux anges alors qu'ils ne les voient pas. Ils croient à la venue du jour dernier alors qu'elle n'est pas encore arrivée, qu'elle ne s'est pas encore produite. Mais ils croient en tout cela, parfois en Allah subhanahu wa ta'ala et en la véracité de sa parole ainsi que la véracité de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous croyons aux anges qui sont ces êtres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créés de lumière et auxquels il a donné différentes charges et différentes tâches, comme on l'a dit, la révélation, le fait de surveiller les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de noter leurs actes, le fait de les entourer dans leur tombe, etc., parmi les œuvres dont sont chargés les anges. Le troisième pilier de la foi, donc la foi, elle a six piliers qui sont premièrement la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, la foi en ses anges dont on a parlé, puis la foi aux livres, c'est-à-dire les livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélés à ses messagers, alayhimu salatu wassalam. Et le dernier de ces livres, et le meilleur de ces livres, et le seul de ces livres qui restera inaltéré jusqu'à la venue de l'heure, c'est le Coran qu'il a révélé à Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Également parmi les piliers de la foi, il y a la foi au messager d'Allah, alayhimu salatu wassalam. De Nuh, alayhi salam, à Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous nous devons de croire en tous les messagers et tous les prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés à ses serviteurs. Ceux dont nous avons connaissance et qui ont été mentionnés dans le Coran, et ceux dont nous ignorons les noms et qui ne sont mentionnés ni dans le Coran ni dans la Sunna. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé qu'il y a des messagers dont il nous a rapporté les récits et qu'il y en a d'autres dont il ne nous a pas rapporté les récits. Cependant, nous devons croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas laissé une communauté depuis le début de l'humanité sans leur envoyer un messager. Comme il a dit subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهُ وَجَتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Nous avons envoyé un messager dans chaque communauté pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du tagout. Écartez-vous de l'adoration de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. » Enfin, il y a la foi au jour dernier, qui est le cinquième pilier de la foi et qui concerne tout ce qui aura lieu après la mort. C'est-à-dire dès que la personne, son âme quitte son corps, tout ce qui se produit à partir de ce moment-là fait partie de la foi au jour dernier. Les questions des deux anges lorsqu'ils se trouvent dans sa tombe, les châtiments ou les délices de la tombe, la résurrection, le jugement, le jour des comptes, le sirat, le paradis et l'enfer. Tout ceci fait partie de la foi au jour dernier. Enfin, le sixième et dernier pilier de la foi, qui est un pilier très important, c'est le fait de croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et la croyance au destin, elle est composée de 4 degrés. Le premier degré, c'est que tu aies la foi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a connaissance de tout ce qui s'est produit, tout ce qui a eu lieu, de tout ce qui a lieu et de tout ce qui aura lieu. Allah subhanahu wa ta'ala a la science et la connaissance complète de tout ce qui a eu lieu, de tout ce qui a lieu en ce moment même et de tout ce qui aura lieu après cela. Car sa science, elle englobe toute chose, subhanahu wa ta'ala, et rien ne lui échappe. Et ceci est le premier degré de la foi au destin. Le deuxième degré, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a écrit sur la tablette préservée, Allah al-Mahfouz, tout ce qui va se produire jusqu'au jour de la résurrection. En effet, comme il est venu dans le hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que la première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée, c'est le qalam, la plume. Il lui a dit, écris. La plume lui a alors dit, que dois-je écrire? Il lui a dit, subhanahu wa ta'ala, selon le sens rapproché, écris tout ce qui se produira jusqu'au jour de la résurrection. Ila yawm al-qiyam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons la foi qu'il avait connaissance de tout ce qui s'est produit jusqu'à maintenant et tout ce qui se produira après, avant d'ordonner à la plume de l'écrire. Il savait ce qui allait se produire. Il a donc dit ce qu'il savait de par sa science à la plume de l'écrire. Ça, c'est le deuxième degré. Tout ce qui se passe, Allah subhanahu wa ta'ala en avait connaissance et il l'a écrit sur la tablette préservée. Il a dit subhanahu wa ta'ala, comme dans Surat al-Hadid, au verset 22, « Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika ala Allahi yasir. » Nul malheur n'atteint la terre, ni vos personnes, sans qu'il ne soit enregistré dans un livre, avant que nous ne l'ayons créé. Et cela est certes facile pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc tout ce qui se produit, c'est écrit dans la tablette préservée. Et ceci est le deuxième degré de la foi au destin. Le troisième degré, c'est que tu crois que Allah, subhanahu wa ta'ala, sa volonté, elle englobe toute chose et elle est au-dessus de toute volonté. C'est-à-dire que rien ne peut se passer sur terre ou dans les cieux si Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas voulu. Tout ce qui se passe, il ne se passe que par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa permission. C'est-à-dire que ce qu'il a écrit, il se produit ensuite comme il l'a écrit parce qu'il a permis que cela se produise. Et le quatrième degré, qui est le dernier degré de la foi au destin, c'est que tu crois que toute chose est créée par Allah subhanahu wa ta'ala. Même tes œuvres. Les œuvres que tu accomplis, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a créées. Il a dit subhanahu wa ta'ala, Allahu khaliqu kulli shay. Allah est le créateur de toutes choses. Et il dit dans l'autre verset, Wallahu khalaqakum wa ma ta'amaloun. Et Allah, il vous a créé ainsi que ce que vous faites, ainsi que vos œuvres. Donc tout ce qu'il y a dans cet univers, cela fait partie de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et personne parmi les créatures ne peut créer quelque chose dans cet univers. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui est doté du fait de pouvoir créer. Ceci sont les 4 degrés de la foi au destin. Allah subhanahu wa ta'ala sait toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné l'écriture de toutes choses qui se produiraient. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a permis l'accomplissement de ces choses, puis il les a créées. Ceci, par contre, cela ne s'oppose pas au fait que le serviteur, dans ses œuvres, il a une volonté. Lorsque tu pries, ou lorsque tu fais une quelconque œuvre de bien, ou une quelconque œuvre de mal, nul ne te contraint à accomplir ses œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a indiqué le chemin à suivre. Il a révélé un livre au messager qu'il t'a envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, qui t'a tracé le chemin qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala. Libre à toi ensuite d'emprunter ce chemin ou de t'en détourner. Si tu fais du bien, tu en trouveras la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu fais du mal, tu ne causeras du tort qu'à ta propre personne. Cela ne cause pas de tort à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'homme, il a une volonté, mais sa volonté, elle est soumise à quoi? Elle est soumise à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il a dit subhanahu wa ta'ala, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, lui, le Seigneur de l'univers. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous confirme que le serviteur, il a une volonté. C'est lui qui choisit les œuvres qu'il accomplit. Mais cette volonté, elle est soumise à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est très important de comprendre cette question qui est liée au destin. Car nombreuses personnes se sont égarées à ce sujet. Et la foi au destin, elle fait donc partie, comme on l'a dit, des piliers de la foi. Et c'est le sixième, comme il est venu dans le hadith de Jibril, alayhi salam, lorsqu'il a interrogé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au sujet de la foi. Et il lui a dit, « Al-iman, an tu'mina billahi wa malaikatihi, wa kutubihi wa rusulihi, wal yawmi l'akhir, wa tu'mina bil qadari, khayrihi wa sharri. » La foi, c'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Méditez sur la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a mentionné les six piliers de la foi, puis lorsqu'il est arrivé à la foi au destin, il a répété, وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِي وَشَرِّي. Il a répété le verbe pour insister sur l'importance de la foi au qadar, la foi au destin. Et dans le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a rappelé cela lorsqu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, احرس على ما ينفعك. Veille à ce qui t'est profitable. C'est-à-dire veille à accomplir des choses qui te profitent, qui te sont utiles auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wasta'in billah. Et implore l'aide d'Allah. Regardez ici. احرس على ما ينفعك. Veille à ce qui t'est profitable. Ceci revient à la volonté de qui? À la volonté du serviteur. Il choisit de faire ce qui lui est profitable. Wasta'in billah. Et demande l'aide d'Allah. Parce que sans l'aide d'Allah, tu ne pourras pas faire ce qui était profitable. Car tu ne peux rien faire sans sa permission. Subhanahu wa ta'ala. Fa'in asabaka shay'un. Et si une chose t'atteint, une chose t'arrive, fala taqul lo anni fa'altu kada kana kada. Si seulement j'avais fait cela, cela se serait passé ainsi. Walakin qul qaddara Allah wa ma sha'a fa'al. Mais dis plutôt, Allah l'a décrété et ce qu'il veut, il le fait. فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. Car le fait de dire si j'avais fait ceci, ce ne serait pas passé ainsi, etc. Cela ouvre la porte au diable. Cela ouvre la porte aux suggestions du diable. Et les hadiths et les textes liés aux choses, ou plutôt liés à la foi au destin, ils sont très nombreux dans le Coran et la Sunna, et ceci n'était qu'un aperçu. Donc tout ce que l'on a vu en ce qui concerne ces piliers de la foi, c'est en réalité un exposé concis de la croyance des salafs, rahimahumullah, les pieux prédécesseurs, Ahlus Sunnati wal Jama'a, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi les adeptes de la Sunna et du groupe, et de nous aider à nous accrocher à la vérité, de patienter et de perdurer sur celle-ci jusqu'au jour où l'on rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on l'a dit, celui qui s'accroche à la croyance saine, la croyance des gens de la sunna, alors il sera sur la guidée, il sera sur la clairvoyance. Les choses qui se produisent dans ce bas monde, elles seront claires pour lui, il sera apaisé et ferme. Pourquoi? Car il sait qu'il suit le chemin de la vérité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tracé pour lui et qu'il a indiqué à son messager sallallahu alayhi wa sallam, qui a appelé ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum, et qui ont indiqué ce chemin à leurs élèves, et ainsi de suite, de génération en génération. Donc lorsque tu es sur ce chemin, et que tu suis les preuves du Coran et de la Sunna, au sujet de ta croyance, tu es apaisé, et tu es ferme sur ta religion. Tu n'es pas touché par les doutes, car tu sais que ta croyance, elle est basée sur des preuves solides. Les preuves du Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les preuves de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, tu te distingues des autres groupes, parmi les groupes égarés et les groupes de l'innovation affiliés à l'islam. Car si tu médites sur leur situation, tu verras que de jour en jour, leurs positions ne font que vaciller et changer. Un jour, il va te dire ceci est blanc, le lendemain, il va te dire ceci est noir. Un jour, il va te dire ceci est permis, le lendemain, ceci est interdit. Un jour, il va te dire une chose, le lendemain, il te dit tout le contraire de cette chose. Pourquoi ? Parce que sa croyance, sa méthodologie, sa voie, elle n'est pas basée sur les preuves du Coran et de la Sunna. Elle est basée sur le suivi des passions. Elle est basée sur les désirs des gens de la société dans laquelle il vit. Il va s'adapter à la société dans laquelle il vit et modifier sa croyance en fonction de celle-ci. Il va voir que les gens n'apprécient pas une chose qui fait partie de la religion. Il va alors la délaisser et aller jusqu'à dire « ceci n'est pas légiféré, cela ne fait pas partie de l'islam ». Le voile du visage de la femme ne fait pas partie de l'islam, comme on l'a entendu dire par certains soi-disant représentants de la communauté musulmane en France. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont basés sur rien, ils sont basés que sur les passions, les désirs des gens. Ils cherchent l'agrément de qui ? L'agrément de la société dans laquelle ils vivent, ils ne cherchent pas l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que les gens de la sunna, ils restent fermes sur les enseignements de leur religion. Et ils sont apaisés et ils sont prêts à se faire éprouver pour cette croyance, à se faire éprouver pour cette religion, à subir injustice et préjudice pour cette religion, car ils savent qu'ils suivent le chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tracé à son messager sallallahu alayhi wa sallam et auquel son messager sallallahu alayhi wa sallam a appelé. Donc les gens de la sunna, ils restent fermes sur la religion. Leur voie, elle n'est qu'une. Le menhaj des gens de la sunna, il est unique dans le monde entier. Il n'y a pas de gens de la sunna de tel pays et les gens de la sunna d'un autre pays qui ont une voie différente. Qu'ils se trouvent en Inde, ou au Maroc, ou en Arabie, ou aux États-Unis, ou n'importe où, la voie des gens de la sunna, c'est la même. Elle ne diffère pas. Pourquoi ? Car leurs sources sont les mêmes. Ils reviennent tous au Coran et à la sunna. Le Coran, il est unique. Et la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, elle est unique. Et ils reviennent pour comprendre le Coran et la sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs, rahimahumullahu ta'ala. Donc c'est une erreur de distinguer entre les gens de la sunna de tel ou tel pays, ou de penser qu'un savant, parce qu'il ne vient pas de ton pays, tu ne peux pas revenir à lui en cas de problème, en cas de calamité ou en cas de divergence. Le savant, il répond de par sa science qui est basée sur les preuves du Coran et de la sunna. Il ne répond pas à ta question parce qu'il vient de ton pays ou d'un autre pays. Mais les gens de la sunna, leur voie, elle n'est qu'une. Et elle ne diffère pas selon les pays. Et certes, le plus noble parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, auprès de notre Seigneur, c'est le qui ? C'est le plus pieux. Comme il a dit subhanahu wa ta'ala, « Inna akramakum inda Allahi atqaakum ». Certes, le plus honorable des gens auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi vous, c'est le plus pieux. La seule chose qui fait différer les gens, c'est la piété. Ce n'est ni leur origine, ni leur couleur, ni leur taille, ni autre chose parmi ceux-là, mais c'est seulement leur piété et leur attachement à leur religion qui font la différence entre eux. Donc ceux qui sont accrochés à cette croyance, la croyance des gens de la sunna, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a réservé honneur, dignité et un délice permanent dans les jardins du paradis. Il a dit subhanahu wa ta'ala, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Puis, si jamais un guide vous vient de ma part, alors quiconque suit mon guide ne s'égarera pas et ne sera pas malheureux. Il ne s'égarera pas et ne sera pas malheureux. Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, il a dit en explication de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est engagé à ce que quiconque lit le Coran et le met en pratique, il ne s'égarera pas dans ce bas monde. Il ne déviera pas du droit chemin, car il met en pratique la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélée. Et il ne sera pas malheureux, c'est-à-dire dans l'au-delà, car il entrera au paradis par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a aussi dit dans un autre verset, « Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin » Ceux qui ont cru et n'ont point troublé leur foi par une quelconque injustice. Ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. L'injustice dans ce verset, lorsque les compagnons radiyallahu ta'ala anhu l'ont écouté, ils ont dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais qui d'entre nous, au messager d'Allah, n'est pas injuste envers lui-même? C'est-à-dire qui parmi nous ne commet pas de péché, ne fait pas d'injustice? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un autre hadith, kullu ibn Adam khatta'a, tous les enfants d'Adam font des erreurs. Donc ils ont vu dans ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ceux qui ont cru et n'ont point troublé leur foi par une quelconque injustice. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a indiqué, ce n'est pas cette injustice qui est visée. N'avez-vous pas écouté la recommandation de Luqman à son fils lorsqu'il lui a dit, inna shirka la dhulmun azim. Certes, le polythéisme est une injustice immense. Donc l'injustice qui est visée dans ce verset, on voit que c'est une injustice qui est liée à quoi? Qui est liée à la croyance. Ceux qui ont eu la foi et n'ont pas troublé leur foi par une quelconque injustice, par une quelconque forme de polythéisme, ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. C'est-à-dire qu'ils seront préservés des frayeurs du jour de la résurrection de par leur foi et de par leur suivi de la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tracée à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ils seront préservés du châtiment. Ils seront bien guidés ici-bas et seront préservés de l'égarement. Donc dans ce bas monde, ils sont bien guidés et ils se préservent de l'égarement en s'accrochant au Coran et à la Sunna. Et dans l'au-delà, ils seront en sécurité le jour où les gens seront terrifiés par les frayeurs du jour de la résurrection. Et ils seront en sécurité. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés fermes, accrochés au Coran et à la Sunna dans ce bas monde. On voit donc une fois de plus l'importance d'apprendre cette croyance, l'importance de corriger sa croyance et de l'apprendre de quoi? De ses sources sûres, le Coran et la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, rahimahumallah ta'ala. Donc les gens de la Sunna, ce sont eux les gens de la vérité et ce sont eux qui seront en sécurité. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans un autre verset, إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah, c'est-à-dire ils ont la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, mais méditent sur la deuxième chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnée, et qui se tiennent sur le droit chemin. Il n'est pas suffisant de dire je crois en Allah subhanahu wa ta'ala, mais il faut que tu te tiennes sur ce droit chemin. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent sur le droit chemin, les anges descendent sur eux, c'est-à-dire au moment de leur mort, et leur disent n'ayez pas peur et ne soyez pas affligés. Allahu Akbar. Lorsqu'ils meurent, les anges viennent leur annoncer cette bonne nouvelle, n'ayez pas peur. Car la personne au moment de la mort, elle a peur, elle est effrayée de par ce qui va lui arriver. Elle sait qu'elle se prépare à la rencontre de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Alors les anges y viennent et lui annoncent cette bonne nouvelle. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais recevez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Allah subhanahu wa ta'ala, il vous a promis un paradis aussi large que les cieux et la terre. Il vous a promis un paradis à condition que vous lui vouez un culte exclusif, que vous suiviez son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils viennent leur annoncer cette nouvelle, les anges, au moment de leur mort. Recevez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Nous sommes vos protecteurs dans la vie présente. En effet, les anges, ils préservent les croyants dans ce bas monde. Beaucoup de mal qui peut arriver aux croyants, Allah subhanahu wa ta'ala charge les anges de les en préserver. Nous sommes vos protecteurs dans la vie présente et dans l'au-delà, et vous y aurez ce que vos âmes désireront et ce que vous réclamerez. Un lieu d'accueil de la part d'un très grand pardonneur et d'un très miséricordieux. On voit ici une très grande nouvelle de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour celui qui est ferme sur sa religion, celui qui suit la croyance authentique et la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il croit en Allah subhanahu wa ta'ala, puis il se tient sur le droit chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tracé. Il sera préservé des frayeurs au moment de la mort, préservé des frayeurs au moment du jour de la résurrection. Ce jour terrible, les gens ne se soucieront pas de la situation des uns des autres, que chacun ne pensera qu'à sa propre personne. Eux, les croyants, ils seront préservés de ces frayeurs de par leur fermeté sur la croyance et la religion authentique dans ce bas monde. Donc, les anges leur annonceront cette bonne nouvelle et ils leur diront qu'au paradis, ils auront ce que leurs âmes désirent et tout ce qu'ils réclament. Donc, lorsque tu es attiré par les délices de ce bas monde, lorsque tu es attiré par certaines choses, parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdites, tu dois te rappeler de cela. Rester ferme sur ta religion, te rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'observe et que si Dieu délaisse cela pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu en obtiendras la récompense auprès de lui et c'est au paradis que tu auras tout ce que ton âme désire. Tout ce que ton âme désire, tu l'auras au paradis. Tu dois donc délaisser les délices éphémères de ce bas monde et te rappeler que tu n'es ici que de passage et chercher à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala pour obtenir cette récompense. Donc, cette croyance authentique, on voit qu'elle a une grande importance pour le croyant et qu'il en tire des fruits et des bénéfices ici-bas, tout comme dans l'au-delà. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. » Quiconque, homme ou femme, fait une bonne action tout en étant croyant, en ayant la foi aux six piliers que l'on a mentionnés. Nous lui ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons certes en fonction des meilleures de leurs actions. Subhanallah, il te fait vivre une bonne vie. Même ici-bas, si tu as une bonne croyance, une croyance authentique, que tu t'accroches à la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, alors tu vas trouver l'apaisement. Regardez les gens pieux, regardez les savants. Regardez les savants comme ils sont désintéressés de ce bas monde et comme ils sont apaisés. Tu ne les vois pas anxieux et soucieux comme beaucoup d'entre nous malheureusement lors de la moindre épreuve. Ils sont fermes sur la religion. Ils ont une grande connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une grande connaissance de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc le croyant, s'il emprunte cette voie, il va trouver cet apaisement inshallah. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset qu'il le fera vivre une bonne vie. Une vie agréable, une vie apaisée. Car il sait que tous les préjudices et tous les malheurs qu'il rencontre ici, cela ne veut pas dire qu'il ne sera pas éprouvé, qu'il aura une bonne vie. Mais toutes les épreuves qu'il va subir, il sait que ce n'est rien et que c'est une expiation de ses péchés et qu'il en trouvera la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala car il n'est que de passage dans ce bas monde. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite « Et nous les récompenserons certes en fonction des meilleurs de leurs actions. » Et ceci est un encouragement à la mise en pratique. L'objectif, ce n'est pas seulement que tu apprennes cette chose, que tu apprennes la croyance, que tu apprennes les catégories de tawhid, la définition du tawhid, la définition du shirk, que tu mémorises ces livres. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est que tu mettes en pratique cette croyance dans ta vie de tous les jours. Que tu mettes en pratique la foi au destin dans ta vie de tous les jours. À chaque fois qu'il t'arrive quelque chose, tu mets en pratique ces choses. Tu te rappelles qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'observe. Tu te rappelles que tout ce qui t'arrive a été écrit par Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu te rappelles les ordres et les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de te rapprocher de lui subhanahu wa ta'ala et d'en obtenir des récompenses. Donc on voit donc dans ces versets des grands engagements d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a fait aux croyants, les gens de la sunna et du groupe, les gens de la vérité, ceux qui restent fermes sur leur religion, ici-bas, ainsi que dans l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala leur a réservé des délices et des rétributions immenses. Ceci était donc un résumé de la croyance des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra. Barakallahu fikum.